manque, près d'un ailleurs, loin de la pluie. Un séjour, chéri, je t'emmène loin d'ici, compte sur ton Billy. Sur la route des étoiles, on se reverra. Sur la route des étoiles, on se reverra. Elle, un peu perdue, elle, qui n'y croit plus de plus longtemps. Lui, qui se résigne pas, lui, ce soir, crois-moi, c'est le coup fumant. Au bout de la nuit, des diamants, des rubis, qui n'attendent que lui. On se reverra. Sur la route des étoiles, on se reverra. Seul dans la ville endormie, Billy joue sa vie. Si la chance lui trong đêm sâu, rồi cuộc tình lao đao và cuộc tình xanh xa. Ta đưa nhau đến nơi nơi thần tiên, lung linh muôn ánh sao. Ta đưa nhau đến nơi nơi bình yên, bao thương.